Alors, c'est une lettre qu'elle écrit genre à son petit-fils, là. Alors, la féministe parle. « Je suis la poltronne de la famille. » C'est normal. Vous autres, ton beau-père, ton beau-frère et toi, êtes capables de regarder Karate Kid sans vous émouvoir. Moi, je pleure. Je m'énerve. J'ai mal aux genoux pour le petit Black de Détroit, seul à se battre. Je vous abandonne souvent devant vos films d'arts martiaux de série B qui vous font rigoler pour aller faire mes confitures en écoutant du Belafonte. Je vous laisse à votre culture de mec. Il y a un vomi, sûrement, qui m'est totalement étrangère et dont je suis pas capable de soutenir l'intensité. Tu sais, ça commence de même, là. Es-tu assez épais, les gars, là, écouter ça, Karate Kid, pendant que la féministe a fait ses confitures avec du Belafonte? Non, es-tu assez épais, arriéré? Quelle race de... Même pas, on n'est même pas des homo sapiens, on est avant ça. C'est néandertalien, notre comportement. C'est primaire. Hey, t'as pas fini de commenter? La violence me noue les tripes, moi. J'essaie de m'en tenir loin. L'autre jour, j'ai voulu visionner ce film de Tarantino, que j'avais pas vu, là, Pulp Fiction, pas toffé 10 minutes. Après la première balle, c'était terminé. J'ai demandé à ton beau-père d'éteindre la télé. C'est un bon film, je m'en fiche. Ça me blesse à mort. On voit d'où ça part. De la même façon, j'ai été meurtri dans ma chair par l'attaque contre Pauline Marois. Je crois pas que la violence surgisse de nulle part. Non. Qu'on s'en prenne à une femme de façon isolée. Non. Qu'on ait affaire à un simple désaccès. Non. La violence contre les femmes est multiple, insidieuse, mondiale, historique et parfois aussi acceptée. Combien d'hommes, mercredi, se sont désolés qu'on ait raté notre première ministre? Hey, c'est grave, ça. Il y en a eu, mais on ne saura pas combien. Comme on n'a jamais su combien d'indécis avaient voté pour Jean Charest, malgré tout. Un peu comment les deux phrases sont côte à côte, là. Elle commence à se demander combien ont pu se désoler qu'on ait raté, puis ensuite combien ont voté pour Charest, là. La peur et la haine des femmes sont bien plus grandes que tu ne peux l'imaginer. Elles font partie de notre lot quotidien, à toutes. Celles dont la tête émerge du troupeau sont plus à risque d'attraper une balle perdue. Hey, c'est capoté. Tu vois, pour certains mâles dominants, ça change tout une jupe. Ça change leur perception d'eux-mêmes. Le boys club à cravate, le club select des sous, qui sortait le pouvoir comme on se passe une boîte de cigares au Beaver Club. C'est la norme. Elle dit c'est la norme. Une bonne femme atterrit dans le jeu d'échecs, une reine en plus, et ils deviennent fous. Ah, sais-tu que c'est 50-50 au Conseil des ministres depuis 5 ans? Y ont-tu dit que c'est 50-50? Y ont-tu dit que dans les facultés de médecine puis d'avocat, c'est entre 70% et 80% de femmes? Est-ce qu'on l'a... On y a-tu dit à elle qu'il y a maintenant une femme en tête de Desjardins? Qu'il y a maintenant des femmes majoritaires dans la plupart des facultés, beaucoup, majoritaires dans l'enseignement supérieur, majoritaires? Pauline Marois, c'est pas la première femme à être chef d'État, là? Non. Un gouvernement. Puis en as-tu vu d'autres ailleurs, d'Angela Merkel à Margaret Thatcher, en passant par Golda Meir, en passant? Parmi les premiers à avoir élu une femme à la tête de leur pays, les Israéliens, ces méchants Israéliens, tellement, hein, Golda Meir. Il y en a eu également dans l'Ouest. On en a aussi, on en a partout. Mais non, là, elle a dit. On s'en serait pris à Françoise David, figure marquante du féminisme, que je n'en aurais pas été étonné. C'est menaçant, une féministe, pour un monsieur qui investit toute sa virilité dans son fond de culotte. Un autre vomi ici, sûrement. L'autre chose, c'est que beaucoup de femmes ne votent pas, je pense aux immigrantes notamment. Et la dernière, la place d'une femme est encore en politique dans l'ombre de son mari, comme Michou et Isabelle. De belles images pour donner du poids à la virilité du chef. Derrière chaque grand homme, ben oui, il y a une femme, c'est ça. Mais c'est méprisant en plus pour Isabelle et Michou. Ouais, c'est épouvantable. Ça veut dire que Michou et Isabelle, parce qu'elles sont la femme d'un homme qui occupe une fonction d'importance, on croit entendre de son propos, elle le dit pas clairement, mais que c'est deux innocentes, deux parures, deux plantes vertes, pantoute. Alors que Isabelle, je la connais pas, la femme de Legault. Ah, mais Michou, elle a une carrière dans la Michou, mode, là. Ben oui, elle a une carrière aussi au bout. Puis Michou, c'est une femme super impliquée, qui a fait plein de bonnes affaires, qui s'entraide, puis tout. Quoi? Puis elle n'est pas première quand ministre. Quand même qu'elle sera à la maison, on s'en quand fout même qu'elle sera à la maison pour élever ses enfants, ça aurait été digne, honorable et correct. Mais tu vois, c'est tellement dégueulasse. On sait bien, la place des femmes, c'est comme Michou pis Isabelle. De belles images. En passant belles. Des images. C'est ça, de belles images. S'il y avait été grosse lettre avec une moustache puis du poil en dessous des bras, ben là, on aurait pu dire que c'est quand même des femmes correctes. Mais vu qu'effectivement, la femme de Legault et Charest, ce sont de belles madames, ah ben là, c'est des belles images. Il manque juste le mot innocente. Il manque juste ça, là. Pas toutes. Ce sont, oui, deux belles femmes bien intelligentes. Puis, si elle avait été grosse ou mec, on s'en fout. Si elle avait été à maison, à s'occuper des enfants ou à job, on s'en fout. Ça passe, ces textes-là. Ça passe. Il n'y a pas de scandale. J'ai connu de près la violence des armes à feu, écrit toujours la féministe. Symboliquement, du moins, il doit y avoir une dizaine de carabines dans la maison. Là, c'est très grave. Là, c'est des... Ça frôle la diffamation, selon moi. Elle écrit « Je rendrai éternellement responsable un gouvernement qui ne contrôle pas étroitement la possession des armes à feu, Monsieur Harper le premier. Qu'il s'endorme avec ses morts, dont un blanchette mardi dernier sur la conscience. » Évidemment qu'Harper ne poursuivra pas, ça se fait pas, mais... Moi, je n'accepterai jamais ça. Là. Elle le dit clairement. Harper, elle le tient personnellement responsable de la mort de Blanchette, alors que tous les armes de Bain étaient enregistrées. Ça n'a rien à voir avec le registre. On le sait tout, mais paf! Au devoir, quand ils ont lu son texte, ils l'ont publié, là. N'a pas un qui l'a appelé. Tu sais, des fois, non, on n'a pas en échappé une. Il y a souvent des gens en radio qui ont dit, écoute des voix, là, puis moi, j'en échappe. Mais quand t'écris, c'est encore pire. Elle l'a écrit, là. Harper, personnellement responsable. Ça, elle ça venait de la gauche extrémiste, ça. Et au devoir, ils ont pas fait, un peu, là, José, bon, le reste de ton texte, c'est tel que tel, là. Les gens seront pas d'accord avec toi, mais on va publier ça. T'sais, elle a le droit de dire ce qu'elle dit là, même si je suis pas d'accord avec elle. Ce bout-là, je le comprends pas, là. Ce bout-là aurait dû, à mon avis, de non, là. José, tu peux pas dire que Harper est personnellement responsable de la mort de Blanchette, là. Ça a rien à voir. Tu peux pas écrire ça. C'est trop loin. Continue à chier ces hommes, t'as le droit. Légalement. Puis même moi, j'y reconnais ce droit-là. Je veux pas censurer, elle a le droit. Ça nous permet d'en parler, puis de se défendre. Mais ce bout-là n'aurait jamais dû être là. Madame Marois devrait peut-être faire une Gandhi d'elle-même, utiliser les caméras pour condamner l'utilisation des armes à feu et pour faire avancer la cause de la violence. Il est enregistré, ses armes, en passant. On leur dit-tu? Non, oui, non, mais je l'ai redit tantôt. On leur dit-tu? Ouais, on va leur dire. Alors, dis-le encore. Enregistré! Mais non. Sally Stephen Harper. Pour le gibier, le temps de la chasse se limite à quelques semaines par an. Pour les femmes, la chasse est ouverte à l'année. Comment la chasse aux femmes est ouverte à l'année? C'est quoi ça? Et je t'ai pas encore rappelé Polytechnique. J'ai pas parcouru avec toi la petite place du 6 décembre 89. J'attendrai que tu sois plus vieux pour qu'on regarde ensemble le film de Denis Villeneuve. Rien à dire là-dessus. Et là, elle cite ensuite un dossier intitulé « Les femmes sont-elles plus morales que les hommes? » Non, c'est assez. Voilà. C'est là-dedans qu'on est rendu. C'est intéressant pour un petit gars d'aller à l'école puis essayer de réussir ensuite, hein? C'est motivant. Sûrement motivant d'aller à l'école, de se croire intelligent. Non, je vais pas embarquer dans le jugement non plus par rapport à ça, mais exactement, le petit gars, il grandit comment là-dedans, là? Ouais, au niveau de l'estime de soi, bravo pour le petit gars qui reçoit ça. Vous autres, on sait bien, les gars, vous écoutez des films, assis-toi avec des guns, puis vous chassez, vous êtes bandés, vous acceptez pas les femmes, vous avez des, avec vos cigares, puis vous voulez rien savoir des femmes dans le pouvoir, dans cette gang d'innocents. Vous faites juste regarder des films d'action, de violence, vous voulez juste fumer vos gros cigares, puis écarter les femmes, puis juste les mettre comme belles images parures à côté de vous autres. Puis là, tu dis au petit gars, temps, continue à l'école, fais quoi de brillant, puis persévère, tu vas réussir dans la vie. Non, non, mon petite mère, c'est quoi le message que t'envoies, là? C'est le message qu'on est une gang de singes puis de primates. On est plus dans l'égalité. Les féministes au Québec, certaines, pas tous, ne sont plus dans l'égalité, elles sont dans la suprématie. On sent pas le début du commencement, Il y a rien, là. Il y a rien de sympathique envers les hommes. Elle lui met tout dans le même paquet. Il y a rien. Elles font pas avancer la cause féminine. C'est une nuisance publique, là. Ça nous fait reculer. Je pense que ça fait reculer. Oh oui. Parce que ça va braquer tout le monde. Ben, c'est méprisant. Les hommes seront pas d'accord. Les hommes entendent ça. C'est du mépris. C'est de la, voyons donc. C'est de la généralisation. Il y en a-tu des gars innocents? Tout plein. Il y en a-tu des femmes innocentes? Tout plein. Autant qu'il y a des gars... Ça démontre tellement un complexe d'infériorité. Tu sais, quand t'es obligé de tout le temps marteler, faut que t'essayes de prouver que t'es légal à l'homme, là. C'est un sentiment d'infériorité, ça. T'imagines-tu si moi, je m'étais servi du meurtre de Cathy Gauthier qui a assassiné ses enfants à Saguenay? Si j'avais pris ça, cet événement-là, qui est un événement isolé, c'est une dame qui a des problèmes psychologiques. J'ai eu 2-3 yens un peu avec ses avocats, la dame, puis de toute façon, c'est prouvé, là. Moi, je pense qu'il y a des problèmes de santé mentale, un peu, puis il est arrivé des affaires. Écoute, ils ont tué leurs enfants pour une question d'argent. Mais il manquait de fric. Tu vois bien qu'il y avait de quoi au niveau des valeurs, à mon avis, qui marchait pas. Mettons, moi, je prends ça. Imagine-tu comment d'abord je perdrais ma job le lendemain si je disais « Message à tous les hommes au Québec. Avez-vous vu cette mère de famille ignoble, infâme, comme Cathy Gauthier? Combien de femmes comme elle, en réalité, détestent leur enfant puis pensent juste à l'argent? Au cash! puis à leur maison, puis à leur coiffure, puis à leurs allures, puis à leurs robes. Gang de matérialistes. Gang... T'sais, t'imagines-tu, juste là? Juste ça, juste que tu donnes cet exemple-là, c'est déplacé, même. Non, ouais, non, non, non et non. Cathy Gauthier ne représente pas les mères, la mère, les femmes au Québec, mais non. Et Richard Henry Bain ne représente pas, son acte n'a rien à voir. 8h35, c'est assez. C'est assez, ça a été publié. Et juste une petite question, mais ça se peut-tu qu'on soit les premiers à vous en parler, puis qu'il y a personne d'autre qui a réagi à ça? Ou très peu? Ouais, hein? Alors, imaginez l'inverse. Imaginez qu'un gars comme le Doc Mayou prenne un cas, puis commence à, tu sais, ou n'importe qui, n'importe quel homme,